Vas-y, continue, elle va chanter. Vas-y, continue, elle va chanter. Serre-moi fort si tu m'aimes. Dis-moi les plaies et dis-moi les chants. Jusqu'alors on peut être innocent. Dis-moi le sueño, dis-moi l'agua. Este río, dis-moi à donde va. Dis-moi la terre, les éléments. Comment c'est qu'on se comprend? Dis-moi antes, dis-moi después. Comment tu m'aimes autant dans cette vie qui m'entraîne? Serre-moi fort si tu m'aimes. Alors je respire, même si la tête ne peut plus y croire. Alors je respire, et même si le cœur me quiere explotar mon cœur. Alors je respire, même si ce monde no entiende nada. Tanto que igual tira deja que el viento cada armonía que el viento me trae me pone de nuevo a cantar. Nunca te olvides que todo es más fácil que bueno aprender a confiar. Se olvida. That's it.